الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 17e, à la 17e leçon de cette série de doros sur l'itqan de l'imam Suyuti rahimahullah. Bon, nous entrons inchallah dans le chapitre sur le waqf. Le waqf wa al-ibtida. Le waqf, c'est ce que les linguistes appellent la pause silencieuse ou la pause vide, l'arrêt. Et là, l'imam Suyuti rahimahullah, il traite ce sujet dans le 28e chapitre de son itqan. Le waqf, la pause silencieuse, ou l'arrêt de lecture et la reprise de lecture, font partie de ce qu'on appelle usul al-qira'at, les principes ou les règles fondamentales des qira'at. Les règles fondamentales, nous en avons parlé la dernière fois. Nous en avons cité quelques exemples, enfin il existe une trentaine, mais l'imam Suyuti en a cité quelques-unes. Nous en avons parlé la dernière fois, bon, l'idram par exemple, l'élision, quand deux lettres identiques se rencontrent ou dans l'une, dans la première porte sukun, la deuxième porte une haraka. De toute façon, nous avons détaillé un peu ce sujet-là. فما رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ deux T qui se rencontrent et on fait l'élision. L'idram, mais aussi l'idram entre deux lettres qui ont une même zone d'articulation. L'imala, l'exemple de l'imala, nous avons parlé de l'imala, de l'inclinaison du alif. Le alif dans l'origine est un ya. Certains qurra, ils prononcent, ils l'inclinent vers le i ou vers le ya. Wadduhi, wan najmi idha hawa, qalat ihdihuma. Donc c'est l'inclinaison, nous en avons parlé. Nous avons parlé de quoi encore? Donc de l'idram, de l'idhar et d'autres principes fondamentaux. Le waqf al-ibtida, l'arrêt de lecture et la reprise de lecture, ça fait partie des usul des qira'at. Tout ça rentre sous le thème de l'élocution, de la science de l'élocution, ilm al-ada. Il y a les fondements, les règles fondamentales spécifiques propres aux qira'at, à certains qurra. Chaque qari a ses propres fondements. Cela ne veut pas dire que ces fondements peuvent être les mêmes chez d'autres qurra. Et nous avons parlé aussi de l'élocution commune. Bon, il y a l'élocution spécifique, c'est ce qu'on appelle les qira'at et les fondements, et l'élocution commune, c'est, nous en avons parlé, elle traite des makharij al-huruf, des ondes d'articulation des lettres, et aussi de leurs caractéristiques, la qalqala, l'istifala, l'isti'la, l'emphatisation des lettres, kha, da, et les lettres dont la prononciation est accompagnée d'une nasalisation comme le noun et le mim, etc. Donc, quand nous avons parlé des ondes d'articulation des lettres, bon, à savoir l'élocution commune et le tajwid, comment prononcer les lettres, le but c'est quoi? Le but de ahkam tajwid, de mode de prononciation, les ondes d'articulation de chaque lettre, le but c'est quoi de cette science? Le but c'est de préserver le Coran de toute erreur de prononciation. Et de tout lahn, de toute erreur linguistique ou grammaticale en faisant la dhamma au lieu de la kasra, de la fatha au lieu de la dhamma, des erreurs de ce genre. Ici, le waqf, l'arrêt, ou la pause silencieuse, ou la reprise de lecture, il a pour but aussi la préservation du texte coranique. C'est une forme de préservation. Préservation du texte, préservation des phrases. Savoir où s'arrêter. En s'arrêtant au milieu d'une phrase, on risque de dénaturer le sens de cette phrase. On peut créer une rupture syntaxique. Ben, les pauses qu'on observe quand on parle, quand on discute, bon, ces pauses-là, ça participe à la structuration syntaxique et sémantique, hein. On structure, bon, les mots, les groupes, ça donne des phrases, et pour qu'elles aient un sens, il faut choisir là où il faut s'arrêter pour ne pas créer une rupture et induire l'auditeur en erreur. D'accord? Bah comme ce que disent certains qurra, par exemple, certains frères quand ils récitent wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihati dans sourate al-Baqara wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lui, il dit wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri. Et là, quand il a plus le souffle, il s'arrête à tajri et annonce à ceux qui croient et accomplissent des actes pieux qu'ils auront des jardins, jannat. Et puis tajri, le verbe jara, coule. Et ça, quand on l'entend, on comprend ça, on comprend qu'il a dit qu'ils auront des jardins qui coulent. C'est quoi des jardins qui coulent? Ou des jardins coulent? Un jardin qui coule, ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'ils continuent. Anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar. Qu'ils auront des jardins au fond desquels coulent des fleuves. Quand ils continuent, là, je comprends. Je comprends qu'il s'agit de jardins au fond desquels ou sous lesquels coulent des fleuves, mais ce ne sont pas des jardins qui coulent. Quand on dit Jannatin Tajri, je vais comprendre que le verbe là, le verbe jara, couler, il est attribué au sujet qui est Jannat, qui est jardin. D'accord? Donc, ça, c'est pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur, il faut choisir le moment où s'arrêter. Au lieu de dire ça, il dit wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat. Et annonce à ceux qui croient et accomplissent des actes pieux qu'ils auront des jardins. Et je m'arrête, je n'ai pas le souffle, je m'arrête à jardin. D'accord? Et après, je reviens en arrière et je continue ma phrase pour respecter les phrases comme elles, pour qu'elles gardent leur sens. Tous ceux qui ont traité ce sujet commencent par un propos d'Ibn Omar, Athar, d'Ibn Omar, le grand compagnon d'Ibn Omar, radiallahu anhu, et Suyuti, rahimahullah, il a cité ce propos-là, ce Athar, ce hadith d'Ibn Omar. Il a dit, radiallahu anhu, لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تتعلمون أنتم القرآن. Il a dit, رضي الله عنه, nous avons vécu une période où nous recevions la foi avant le Coran. Quand une sourate descend sur Muhammad صلى الله عليه وسلم, nous apprenions ce qu'elle déclare comme licite et ce qu'elle déclare comme illicite. Et nous apprenions les endroits où il convient de s'arrêter lors de sa lecture. Et les endroits où il convient de s'arrêter lors de sa lecture, comme vous apprenez maintenant le Coran. Il parle à ses successeurs. ولقد رأينا, il a dit, ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره وما ينبغي أن يوقف عنده منه. Il a dit, aujourd'hui je vois des gens recevoir le Coran avant la foi. Il récite depuis la Fatiha jusqu'à la fin du Coran, sans connaître ce qu'il ordonne, sans connaître ce qu'il interdit, sans connaître les endroits où il convient de s'arrêter lors de sa lecture. Des paroles pleines de sagesse. C'est un récit rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Et Al-Hakim le qualifie d'authentique. Il a dit qu'il remplit les conditions de l'imam Al-Bukhari et de musulmans. Et c'est l'imam Zahabi, il confirme cela et il l'authentifie. Voilà, Ibn Omar, radiallahu anhu, il évoque avec nostalgie l'époque des compagnons, radiallahu anhu. Époque où ils étaient initiés à la foi. Ils étaient, radiallahu anhum, prédisposés aux enseignements du Coran, aux ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'avec les épreuves, ils ont reconnu, ils ont cru en la sincérité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru en lui, et avec les épreuves qu'ils ont subies, ils étaient initiés, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a éduqués, ce qui fait qu'ils ont reçu la foi avant le Coran, c'est-à-dire leur cœur est déjà prédisposé au signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au verset d'Allah. Quand ils le reçoivent, c'est comme une terre aride qui recevait la pluie du ciel. Ou comme, c'est comme s'ils étaient dans les ténèbres et qu'une lumière est venue les faire sortir de ces ténèbres-là. Ou comme s'ils étaient morts, et que le Coran est venu comme un esprit pour leur donner la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala qualifie le Coran de pluie salvatrice. Il qualifie le Coran d'esprit, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, esprit, pour donner la vie, et il qualifie aussi son Coran de lumière. Ils étaient prédisposés à ça. Plus tard, vint une époque de la corruption de la foi. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils étaient clairvoyants, ils étaient le thermomètre de la communauté. Ils pressentaient les déviations et les tentations. Ibn Omar constata que des gens s'occupent de la mémorisation du Coran avant d'accomplir les œuvres de la foi, c'est-à-dire avant la base, l'essentiel. Leur souci était la mémorisation et la récitation. C'est-à-dire qu'ils n'évaluaient pas les choses selon leur degré d'importance. Pour eux, ils étaient initiés, c'est-à-dire leur cœur est prédisposé. Quand il vient un ordre, ça y est, c'est un ordre. Écouter, ça veut dire obéir pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont connu la foi avant le Coran. C'est contrairement à nous qui ont hérité le Coran. Le Coran est entre nous-mêmes, ses enseignements sont là, mais où est la foi ? La récitation, oui, c'est bien, on récite, on embellit notre voix. Le Coran est partout dans les maisons, on en fait des décors dans sa voiture, hein, et l'écriture dorée et tout. Eux, ils n'avaient même pas vu ce Coran-là. Leur Coran était enregistré, gravé dans leur cœur. Il a embelli leur cœur. Nous en avons embelli nos maisons. Nous nous sommes contentés d'embellir nos livres avec des écritures dorées. Eux, non. Ils se sont parés des enseignements du Coran. Bien sûr, il ne faut pas tirer argument des propos d'Ibn Omar que la mémorisation, la récitation du Coran, c'est du superflu, c'est des pluchures, comme certains douats disent. Non, attention, faut pas confondre. Mais c'est juste... Ibn Omar regrettait le fait que les gens n'appréciaient pas les choses à leur juste valeur et ne les classaient pas selon leur ordre de priorité. Donc, dans leur réunion, majalis dhikr, les compagnons radiallahu anhum ont donné de l'importance à la question de l'arrêt. De l'arrêt. Où s'arrêter? C'est pour méditer et réfléchir, et aussi parce que ça relève de la parfaite psalmodie du Coran, du Tartil aussi. Donc dans leur réunion, ils s'intéressaient, radiallahu anhum, ça il faut s'en rendre compte, subhanallah. Les compagnons discutaient déjà des pauses silencieuses, là où il convient de s'arrêter, là où il ne convient pas de s'arrêter, là où il est obligatoire de s'arrêter, là où il est obligatoire de continuer, les courtes pauses, les longues pauses. Ils discutaient de la ponctuation du texte et l'enseigner, radiallahu anhum. C'est une science dont les inaugurateurs étaient les compagnons. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné les bases, en s'arrêtant à la fin de chaque verset. Et généralement, la fin du verset marque la fin de l'idée, de l'histoire, de la phrase. La fin du verset n'entraîne pas une rupture syntaxique ou sémantique. Et les premiers qui ont composé un traité sur la ponctuation orale, c'était des anciens, c'était des comme Cheib ibn Nassah ou Cheib ibn Nisah, enfin les deux, les savants ou les chroniqueurs ou les historiens divergent sur la façon dont comment prononcer son nom. Est-ce que c'est Nassah ou Nisah? Bon, Cheib ibn Nassah, c'est un qari, c'est déjà le cheikh de Nafi. Il a fait le Kitab al-Ma'rifat al-Qurra al-Kibar. Et il est mort en année 130 de l'Hijr, c'est-à-dire 8 siècles à peu près. Et Mohammed Abdullah ibn Amir, c'est un qari, l'un des Qurra. Nafi al-Kisa'i, ils ont écrit sur la ponctuation et tout. Yani, Ajib, ils étaient en avance par rapport à l'Europe. Par exemple, en Europe, les premiers véritables traités de ponctuation en Europe ne sont apparus qu'à la Renaissance, c'est-à-dire qu'au XVe siècle. Dans son livre, Nashr, Kitab Nashr, le fameux livre d'Ibn al-Jazari, Ibn al-Jazari, il a dit, rahimahullah, il a dit, puisque le qari, le récitant, ne peut pas réciter une sourate ou l'histoire qui s'y trouve d'une seule haleine et qu'il n'est pas permis de respirer entre deux mots qu'on doit lier, il a dit, cette respiration étant comme une respiration au milieu d'un mot, c'est comme si on respire au milieu d'un mot, ça change le sens. Il a dit, il doit alors choisir là où il va s'arrêter pour respirer et se reposer, et choisir le mot par lequel il doit commencer, al-ibtida, en veillant à ce que cela ne modifie pas le sens et ne perturbe pas la compréhension. Car c'est à travers le sens pertinent et la bonne compréhension qu'apparaît ou qui est mise en évidence la précédence du Coran et les objectifs visés par le Coran. Et les objectifs visés par le Coran se réalisent. C'est de cette façon. Hein. Et c'est pourquoi il a dit, c'est toujours ses propos, c'est pourquoi les imams incitent à l'apprendre, à apprendre le waqf et l'ibtida. Le hadith de Musalama radiallahu anha, hadith authentique, il est connu, hein, il a dit que le professeur sallam interrompait sa récitation par des pauses. Il récitait Alhamdulillahi Rabbil Alameen, puis s'arrête un moment. Et dans une autre version, il prononce sa voix, Alameen. Puis s'arrête, puis récite Ar-Rahman Ar-Rahim, puis observe une pause, puis récite Maliki Yawmiddin. C'est un hadith authentique qui est rapporté par Tirmidhi. Ben, c'est le waqf, la pause, si on veut le définir, c'est interrompre la voix à la fin du mot qui est mustalah, convenu entre les Qurra, d'un mot déterminé, pour respirer et se reposer, puis reprendre la récitation, et non pas pour terminer la récitation définitive et s'en aller. C'est ça le waqf. Donc, l'arrêt se fait pour une raison. Quelle est la raison? C'est de respirer, reprendre son souffle, pour reprendre la récitation. Donc, d'après la définition, il existe un endroit où il faut s'arrêter. Pas n'importe comment, puisqu'il a dit mustalah, c'est-à-dire un nom, faut s'arrêter à la fin d'un mot déterminé, convenu entre les Qurra. Donc, il faut pas s'arrêter n'importe comment. Et le waqf est à distinguer du sakt, la pause silencieuse pour se reposer, elle est à distinguer du sakt. Il est à distinguer du sakt, c'est-à-dire l'observation du silence. Et il est à, je vais expliquer ce que ça veut dire le sakt. Hein. Sakt, ça veut dire se taire. Mais ce silence-là, je vais l'expliquer. Et il est à distinguer du qata', l'interruption. Il ne faut pas confondre ces mustalahat, parce que c'est des mots techniques qu'utilisent les Qurra. Le sakt a un sens chez les Qurra. Et le waqf a un sens. C'est vrai que les anciens employaient le mot qata pour désigner le waqf. Ben, le qata, aujourd'hui, on l'utilise, on dit qata al-qira'a, ça veut dire s'arrêter pour s'en aller, et non pas pour reprendre. Ce n'est pas pour reprendre son souffle ou pour se reposer. Non. Le qata, c'est s'arrêter, ça y est, arrêter la qira'a. Donc, il est à distinguer du waqf. Le waqf, c'est se reposer pour reprendre. Donc, Je dis, c'est vrai que les anciens, ils employaient le mot qata pour désigner le waqf, comme Ibn al-Nahhas, rahimahullah. Hein? Mais maintenant, chez leurs successeurs, le qata, c'est l'interruption. C'est dans l'intention d'arrêter la récitation. C'est bon? Donc, et bien sûr, le qata qui est, comme j'ai dit, l'interruption pour s'en aller ne se fait qu'à la fin d'un verset, tandis que le waqf peut être au milieu d'un verset ou on peut s'arrêter au milieu d'un verset pour continuer. Hein. Quant au secte, le secte, il diffère du waqf dans beaucoup de choses. Le secte, c'est silence, observation d'un silence. Il diffère du waqf dans beaucoup de choses. Il diffère du waqf dans la manière, dans l'endroit, dans la durée, dans l'objectif. Le secte est certes un arrêt. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous, ça va vous. Mais un arrêt particulier. Il se peut qu'il soit à la fin d'un mot et il se peut qu'il soit au milieu d'un mot. Mais je dis bien un mot, pas phrase. Je dis bien un mot. C'est selon la riwaya. Hein? Autre différence avec le waqf, dans le secte, on ne respire pas. Dans le secte, la pause silencieuse qui est appelée secte, on ne respire pas. Le temps de la pause est moins long que celui du waqf, de l'arrêt. Hein? C'est une pause silencieuse, mais non respiratoire. Et comme riwayat Hamza, khalaf an Hamza, quand il dit, il dit, walal akhiratu khayrun laka min al oula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Hein? Walal akhiratu khayrun laka min al oula. Voilà, une pause silencieuse entre le lam et le hamza. C'est un secte, il y a une secte, il y a un secte. On ne respire pas dans ce secte-là, on ne respire. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de mettre en évidence la hamza. Parce qu'il est lourd, la hamza, elle est lourde. C'est pourquoi on l'allège d'ailleurs dans Riwayat Warsh et dans d'autres. Hafs observe ce secte-là dans quatre endroits. Il se distingue des autres Qur'an dans quatre endroits, en fait. Dans quatre endroits. Dans Sourate al-Mutaffifin, Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Je dis bal et rana. Bal, c'est une particule. Et rana, c'est le verbe rana. D'accord? Je fais la séparation par une pause. Pourquoi? Pour ne pas confondre le bel era, parce que si je les lis, je fais la liaison, je vais faire l'idram, l'élision entre le lam et le ra, et je vais dire kalla barran. Kalla barran. Et barran, je risque de. La personne qui m'entend risque de confondre. Il dit barran, c'est quoi barran? C'est un nom, c'est quoi? Barran peut être le duel de bar. Barron, barran. Donc pour éviter cette confusion, les Qurra, ce qu'ils ont reçu, pour éviter cette confusion, il y a un secte. Il y a un secte. Et ce secte, bien sûr, remonte jusqu'au compagnon, radiallahu anhu. C'est vrai qu'il est récité par Hafs, mais Hafs l'a reçu de Asim ibn Abi Najoud. Asim a reçu ça de Tabi'in, ils ont reçu ça des compagnons. Donc, ce secte-là, pour ne pas mettre la personne dans la confusion, pareil pour l'autre verset dans Sourate Al-Qiyamah, وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. Je fais une séparation, une pause. Je ne dis pas marraq, marraq. Je ne fais pas la liaison parce que je vais faire l'idram. Et marraq, quelqu'un va comprendre autre chose quand il entend marraq. Donc, c'est pourquoi il y a ce secte-là. Dans Sourate Al-Kahf, Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyima liyunzira ba'san shadida. Donc, wa lam yaj'al lahu iwaja. Il y a un secte, une pause silencieuse. Et juste après, il y a une pause. Il y a une, je marque une pause silencieuse sans respirer et je fais le. Et je récite la suite. D'accord? Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à Allah qui fit descendre sur son serviteur le livre exempt de tout détour. Là, je fais secta et puis je dis complet pour avertir. D'accord. Si je fais la liaison, si je ne respecte pas ce secte-là, je vais dire louange à Allah qui fait descendre sur son livre, sur son serviteur, le livre exempt de tout détour complet. Et là, complet risque d'être un adjectif, c'est un adjectif de détour. Ce qui n'est pas le sens, ce qui n'est pas le vrai sens de ce verset-là. Je risque de dire qu'Allah a fait descendre sur son serviteur le livre exempt de tout détour complet. Non, mais c'est exempt de tout détour, ça c'est l'une des qualités de ce livre, qu'il est exempt de tout détour. Complet, c'est l'une des qualités, c'est un adjectif qui est attribué au livre et non pas attribué à détour. Faites très attention, c'est pourquoi il a fait le secte. Ça explique le secte de Hafs. D'accord ? Si je dis tout détour complet, bah le complet c'est un adjectif de détour. Mais si je fais une secta, je fais la séparation, je vais dire complet, exempt de tout détour, stop, complet. Ça veut dire que ce livre est complet. Qayyim al-yunzira ba'san shadidan min ladun. Complet pour avertir, pour mettre en garde. D'accord ? Donc, iwaja, normalement, c'est à la fin d'un verset. Donc, si je m'arrête pour respirer, j'ai le droit de m'arrêter pour respirer et continuer. Et si je veux faire la liaison, je la fais, mais attention, je respecte le sexe obligatoire. Je respecte la pause silencieuse. Dans l'autre verset aussi, قالوا يا ويل سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا سكت شوفين سكت من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من مرقدنا شوفين بوز سيلونسيوز et je continue هذا ما وعد ça c'est il parle de ça il parle des mécréants ils disent malheur à nous qui nous a réveillés de notre couche من بعثنا من مرقدنا et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond هذا ما وعد الرحمن c'est cela qu'a promis le tout miséricordieux c'est cela il vous a promis qu'il va vous ressusciter et vous avez nié cela donc Allah subhanahu wa ta'ala il répond mais si je fais la liaison يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما c'est comme si j'attribue cette parole à ces gens-là il dit qui nous a ressuscité qui nous a réveillé de notre couche qui est celle-ci Marqadina hada. Donc, je risque de faire la confusion. Donc, c'est pourquoi il y a un sacte, une pause silencieuse entre ces deux phrases. D'accord ? Entre ces deux phrases-là. Et ça, c'est juste pour vous montrer la différence entre le waqf, l'arrêt, et le sacte. Et la pause silencieuse. Et le qat' aussi, nous en avons parlé, c'était un arrêt dans l'intention de s'en aller, d'interrompre carrément la lecture. Différentes sortes d'arrêts, de waqf. On distingue trois sortes d'arrêts, de waqf. Trois sortes de manière de s'arrêter dans la lecture. Il y a l'arrêt observé par libre choix, le waqf l'ikhtiyari. Tu choisis de t'arrêter. Et il y a l'arrêt observé par nécessité, c'est-à-dire sous une contrainte. Physique ou physiologique. Le waqf al-ittirari. Tu t'es arrêté parce que, bon, tu veux éternuer ou autre chose ou que tu as oublié. Ça, c'est le waqf al-ittirari. Tu dois t'arrêter. C'est-à-dire contre ta volonté. Et il y a aussi l'arrêt demandé par le maître à son élève pour le tester. Et ça, c'est ce qu'on appelle le waqf al-ikhtibari. Donc, le waqf al-ikhtiyari, le waqf al-ittirari et le waqf al-ikhtibari. L'arrêt par nécessité, où le locuteur se trouve contraint d'arrêter la récitation, la toux ou autre chose, ça, ce n'est pas volontaire et donc, nous n'en parlons pas. Nous parlons des deux autres. L'arrêt observé par libre choix, il est soit un arrêt correct, soit un arrêt incorrect. L'arrêt correct, les savants l'ont divisé en trois. Il y a l'arrêt parfait, le waqf tam, il y a l'arrêt suffisant, le waqf al-kafi, il y a l'arrêt acceptable, le waqf al-hasan. L'arrêt incorrect, les savants l'appellent l'arrêt laid. Al-waqf al-qabih. Bon, nous allons commencer par l'arrêt parfait. L'arrêt parfait, il est le meilleur. Il est le meilleur waqf. La meilleure façon de s'arrêter dans la lecture, dans la récitation. Il consiste en ce que le récitant s'arrête sur un mot qui ne dépend pas du mot qui le suit, ni du point de vue syntaxique, ni du point de vue sémantique. Ni du point de vue syntaxique, grammatical. D'accord ? Si je m'arrête sur le verbe, et où est le sujet ? Je m'arrête sur le verbe, je dis un verbe, et puis le reste, bon, je m'arrête. Où est le sujet ? La phrase est incomplète. Et du point de vue sémantique, du point de vue de l'idée, du sens. Et dans cet arrêt parfait, non seulement l'arrêt est parfait, mais le commencement par le mot qui suit est aussi parfait. C'est ce qui caractérise le waqf tam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Oulaika ala hudam min rabbihim wa oulaika humul muflihoun. Dans Surat al-Baqarah. Ceux-là sont ceux qui sont sur la voie de leur Seigneur et ceux-là ont le succès. Là, c'est un arrêt parfait. D'accord ? Le verset suivant. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. En vérité, pour ceux qui ont mécru, il est équivalent que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Donc, ça, c'est un début parfait. Et si je continue jusqu'à la fin de la phrase, c'est bien. Oulaika ala hudam min rabbihim wa oulaika humul muflihun. En m'arrêtant sur le muflihun, cela en le succès, je termine la phrase. Je termine l'idée, c'est-à-dire grammaticalement avec ces verbes, avec ces sujets, avec ces compléments. Oulaika ala hudam min rabbihim wa oulaika humul muflihun. Et sémantiquement, c'est une bonne phrase. L'idée est complète. Donc, je marque une pause. Et je passe à l'autre. Je passe à une autre phrase. Je passe à une autre idée. Je parle des mécréants. Inna alladhina kafaru sawa'un. Parce que le verset suivant parle des mécréants. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. En vérité, pour ceux qui ont mécru, il est équivalent que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Donc ça, sémantiquement, je passe à une autre idée. Là, l'arrêt est parfait. Cet arrêt, normalement, cet arrêt se situe généralement à la fin d'un verset. Mais il se peut qu'il soit au milieu. C'est-à-dire, il se peut que cet arrêt parfait soit au milieu d'un verset. Comme par exemple, le verset dans sourate An-Naml. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Dans sourate An-Naml, Balqis, la reine de Saba, sourate les fourmis, son histoire avec Suleyman alayhi salam, elle a dit, lorsque l'oiseau il a jeté la lettre, où Suleyman les appelle à se soumettre à l'islam, Balqis, il a appelé son conseil, les ministres, et il leur a dit, lorsque les rois s'emparent d'une cité, ils y sèment la corruption, ils y causent des dégâts. Innal muluka qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izzata ahliha adhilla, et réduisent à la vilenie les hommes honorables de son peuple. Lorsque les rois s'emparent d'une cité, dit-elle, ils y causent des dégâts et réduisent à la vilenie les hommes honorables de son peuple. Si je m'arrête ici, parce qu'après Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, c'est ainsi qu'ils agissent. Parce que la parole de Balqis s'arrête là. Il s'arrête ici. Lorsque les rois sont partis d'une cité, ils y sèment la corruption et réduisent à la vilenie les hommes honorables de son peuple. Je m'arrête ici, c'est parfait. Parce que je passe à quoi ? Je passe à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. « وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ » C'est ainsi qu'ils agissent. C'est ainsi qu'ils agissent. Donc, la parole de Balqis, je l'ai terminée, je l'ai marqué une pause. J'ai respiré et j'ai dit après « وَكَذَلِكَ إن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Alors j'ai marqué une pause. وكذلك يفعلون. C'est ainsi qu'il jadis. Déjà par mon arrêt là, la personne qui m'écoute comprendra que c'est une confirmation d'Allah. Ça veut dire qu'Allah approuve les propos de Balqis. En séparant la parole de Balqis, les propos de Balqis avec la confirmation d'Allah, ça donne un sens. Donc, si je m'arrête à la parole de Balqis, là, c'est un arrêt parfait. Je reprends la récitation, c'est ainsi qu'ils agissent. Je commence par l'approbation d'Allah. Compris ? Donc, si je récite, je lis les deux phrases, j'ai le droit de le faire. Mais je ne mets pas en exergue la confirmation divine qui me sert dans la méditation, à savoir qu'Allah approuve la reine de Saba qui était mécréante, et j'en tire une leçon. Quelle est cette leçon? Qu'on a le droit d'approuver les propos des mécréants si leurs propos s'avèrent vrais, et a fortiori les propos des Moubtadi'a ou des innovateurs de notre communauté. S'ils ont raison, s'il y a un Kharijite, un Chiite dit la vérité, nous l'approuvons, nous le confirmons. Ça c'est justice divine qui confirme les propos des mécréantes, et justice des gens de la Sunna qui confirment les paroles même de leurs adversaires. Avez-vous perçu, chers frères, chers sœurs, l'importance de ces pauses, de ces wukoufs? Un autre exemple, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ça c'est dans sourate Al-Furqan. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Les propos, ça c'est quelqu'un qui a commis une injustice ou qui regrette, il dit ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Le jour où l'injuste se mordra les doigts de regret, il dit: ah, si jamais j'ai pris l'envoyé comme allié. Ça c'est Ubay ibn Khalaf qui dit ça. Et il a dit لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Ça c'est Satan qui m'a détourné du dhikr, du Coran, quand ce Coran est venu jusqu'à moi. Et si je m'arrête ici, ça c'est un arrêt parfait. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Ça c'est le propos d'Ubay ibn Khalaf. Le reste, la suite, وكان الشيطان للإنسان خذولا. Comme Satan fait défection à l'homme. Donc si je m'arrête, les propos d'Ubay ibn Khalaf et morale de l'histoire, comme Satan fait défection à l'homme. Donc c'est une pause parfaite ici. D'accord? Donc s'arrêter à la fin d'une histoire, s'arrêter à la fin d'un... c'est bon, c'est un arrêt parfait. Un mot précédent, le vocatif, ya ayyuha alladhina, ya ayyuha alnas, c'est très bien de s'arrêter avant. Comme dans le sourate Al-Baqarah. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Là, c'est dans le style siyaq, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des hypocrites, et il a donné la parabole, مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا. Il a donné un exemple de ces hypocrites-là. Il a dit si Allah voulait, il ferait disparaître cette lumière qui les illuminait, et Allah est capable de toutes choses. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Je m'arrête. Quand je m'arrête, le verset qui vient après, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Ô vous les gens, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Quand il y a un vocatif de ce genre, ya ayyuhan nas, il vaut mieux s'arrêter avant. Et la pause qui est observée avant, c'est une pause parfaite. C'est un waqf parfait. Donc ça, c'est des exemples du waqf qui est parfait. Bon, on va faire un petit exercice. Je prends l'exemple de la Fatiha. Combien d'arrêts parfaits peut-on observer dans la sourate Al-Fatiha? Allez. Bon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On laisse Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On n'entre pas dans le khilaf. Est-ce qu'elle fait partie de la Fatiha ou non? Et on rentre directement. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Si je lis tout, je dis الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين louange à Allah Seigneur des mondes. Je peux m'arrêter ici, mais du point de vue syntaxique, je dois continuer. N'est-ce pas? Du point de vue grammatical, je dois continuer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamd, Mubtada Marfou' bil Ibtida. Du point de vue grammatical, c'est un Mubtada, c'est un prédicat, comme ça, par la Dhamma, Marfou' bil Ibtida. Lillahi, bon, il y a le lam, Lillahi, le li, qui est harf jar illahi. مجرور إليه مجرور حر اسم مجرور اسم مجرور جر ومجرور فعلا la préposition exigeant qu'à la fin du mot qu'il suit soit marqué du cas indirect hein, qui est la kasra ici لله لله c'est un complément prépositionnel hein. ربي c'est quoi ربي c'est un c'est un attribut alors الحمد لله رب العالمين ربي c'est un attribut d'Allah d'accord. Donc syntaxiquement, je dois continuer. Rabbi al-alamin, il y a une annexion, mudaf et mudaf ilayh, Rabbi al-alamin, c'est mudaf ilayh, c'est le nom annexé à Rabb. Ar-Rahmani, c'est un autre attribut. Attribut de quoi? D'Allah. Donc grammaticalement, syntaxiquement, je suis toujours dans le même ordre. Je n'ai pas terminé ma phrase. Je n'ai pas terminé ma phrase. Donc ça, c'est un deuxième attribut. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Et remarquez, la kasra qui est en bas, qui suit l'ordre, qui suit la déclinaison, qui suit la syntaxe des énonciés, la terminaison d'Allah qui est kasra, Rabbi kasra, Rahman, Rahimi. Donc je suis toujours dans le même ordre de syntaxique. D'accord? Rahman, deuxième attribut, Rahim, troisième attribut, Maliki Omiddin, roi du jour dernier. Roi du jour de rétribution, c'est un quatrième attribut. Donc, syntaxiquement, tant que j'ai des attributs, hein, je dois continuer. Des attributs, enfin, du premier nom, enfin, à savoir Allah, le nom de majesté, je continue. Et ça s'arrête à Maliki Yawmiddin. Du point de vue syntaxique, ça s'arrête là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Syntaxiquement, bien. Sémantiquement, du point de vue de l'idée, parfait. Alhamd, qu'Allah mérite la louange, qu'il est le Seigneur des mondes, etc. Malik, donc louange à Allah qui porte tous ces attributs-là. Pom, je m'arrête à Yawmiddin, c'est un arrêt parfait. Du point de vue syntaxique et du point de vue sémantique. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Là, j'entre dans une autre phrase là. Et même dans une autre idée. Iyaka. Alors, Iyaka, c'est quoi? C'est un damir, monfassil, c'est un pronom isolé. En langue arabe, il existe les pronoms soit isolés, soit des pronoms mutassil, des pronoms affixes, hein, qui sont liés enfin, graphiquement au mot. Kitabahu, kitabaka, vous avez saisi. Kitabahu, son livre. Alors, luhu, c'est un pronom, c'est un damir, mais il est affixé, il est lié à Kitab. D'accord? Et il y a les pronoms isolés, et parmi ces pronoms isolés, il y a Iyak. Iyaka, c'est un pronom, mais il est isolé, il est dissocié de la. Anta, anti, antumahum, tous ces pronoms-là sont isolés. Il y a des pronoms qui peuvent être isolés et affixés en même temps. D'accord? Donc, Iyaka, c'est un pronom. Isolé, c'est un pronom isolé. Damir monfasil, mabni, indéclinable. Damir mabni, indéclinable. C'est un complément. Hein? Il prend la place du complément. C'est un complément antéposé. Puisque d'habitude, le verbe précède le complément. Le verbe précède le complément. Ça en langue française et aussi en arabe. Le verbe précède. Mais dans des cas comme ça, il y a un complément qui est antéposé, qui a été posé avant. Avant le verbe, pour une raison bien sûr sage. Hein? J'ai fait ça dans les perles d'éloquence, quand j'ai fait des cours sur les perles d'éloquence coranique. Le fait que l'antéposition a pour rôle le hasar, c'est-à-dire a pour rôle de la fixation, a pour rôle la restriction. C'est-à-dire que je dis « Iyaka na'bud », c'est toi que nous adorons, ça veut dire que nous n'adorons personne que toi. Ça c'est... Al-hasr, c'est ce qu'on appelle en langue arabe al-hasr, la restriction. Il n'y a que toi que nous adorons. Et ce sens-là a été donné par cette antiposition. Donc, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Une deuxième phrase qui est construite de la même façon. À savoir, il y a le damir munfasil, hein, le pronom isolé qui prend la place du complément antéposé. Et puis, il y a nasta'inu qui est un verbe, hein, un verbe fi'l mudari', bon, clair. Est un verbe. Donc là j'ai une phrase complète. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si je m'arrête ici, syntaxiquement, c'est bon, parfait. Et du point de vue de l'idée, c'est bien. C'est toi que nous adorons. Et c'est toi dont nous sollicitons l'aide. D'accord? J'ai une phrase complète. L'idée, je l'ai complète. D'accord? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Je vais voir si le reste est lié. Non. Le reste, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Là, j'entre dans une autre phrase, ihdina as-sirata al-mustaqim. D'accord? Grammaticalement, je m'arrête sur nasta'in. Donc, du point de vue sémantique, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, j'ai une idée complète, indépendante de l'idée du verset qui le suit, ihdina as-sirata al-mustaqim. Hein? La suite, ihdina. Ehdina, il est vrai que, bon, ehdina, c'est un verbe. C'est un verbe. À l'impératif, hein, le verbe hada, fa'l. Hada, c'est un fa'l naqis, puisque à la fin, la dernière radicale, c'est un harf illa, c'est une lettre, bon, ce qu'on dit des lettres défectueuses, enfin, à savoir, c'est une voyelle longue. Hada, c'est le alif maqsura. Et quand on le conjugue à l'impératif, ça se. Le alif qui est à la fin, le alif maqsour, il saute, hein, ihdi, irmi, rama, irmi. Donc, ihdina, donc, fi'l, amr, c'est un impératif, mais on ne dit pas impératif quand il s'agit d'Allah. On dit fi'l talab, par respect pour Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on fait l'i'rab de ce verbe-là, on dit fi'l talabin, c'est un verbe, mais on dit un verbe invocatif, un verbe d'invocation. Ihdina, guide-nous, et puis le damer, nous avons le pronom na. Na, c'est la première personne du pluriel. Ihdina sarata. Donc, le na, c'est. Ça prend la place d'amir mutasil fi mabni, ala sukuna, fi mahali nasb, fa'ulbi, c'est un complément. Hein. Na, ihdi, guide-nous. Donc, na, c'est un pronom affixe pour prendre la place du complément. Et ihdina sirata, sirata, ihdina sirata. Et sirata, c'est un deuxième complément. C'est un deuxième complément. Fa'ul bihi thani. Le mustaqim, c'est un adjectif. Il qualifie le sirat. Ça veut dire que le sirat est droit. Guide-nous sur la voie de la rectitude. D'accord? Ihdina sirata al-mustaqim. Là, j'ai une phrase. Mais est-ce que cette phrase est terminée? Non. Parce que la suite, sirata al-ladina. J'ai un permutatif. J'ai un bedel, un substitutif. C'est un bedel. Ce qui me dit qu'il n'y a pas. Que la phrase n'est pas encore terminée. Parce que ihdina sirata al-mustaqim. Et juste après, il y a sirat. Hein, qui me dit que grammaticalement, la phrase n'est pas terminée. Et puis, sirata al-ladina. Et ladina, c'est un ism mawsoul. Donc, c'est un ism mawsoul. C'est comme le pronom relatif qui me dit que la phrase n'est pas terminée. La voix de ceux que tu as. La voix de ceux que tu as. C'est comme le pronom relatif que. Ce qui me dit que la phrase n'est pas terminée. Donc, la phrase continue. Cette voix de ceux que tu as comblé de faveur, non pas celle de ceux qui ont encore eu ta colère, ni celle des égarés. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc la phrase ne se termine qu'à ولا الضالين, même grammaticalement, syntaxiquement. Et sémantiquement, c'est pareil. C'est pareil. Guide-nous sur la voie de rectitude. C'est quoi cette voie? Quelle est cette voie? Bah, la voie de ceux que tu y as gratifié, non pas celle de ceux qui ont encore eu ta colère, ni celle des égarés. Donc. Puisque la deuxième phrase, c'est une phrase explicative. Hein. Donc, si je m'arrête à Walad Dallin, je marque un arrêt parfait. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, walad dallin. Là, jusqu'ici, je fais Un waqf parfait. Donc j'ai combien d'arrêts parfaits? J'ai trois. D'accord? J'ai trois arrêts parfaits. Deuxième catégorie de waqf, d'arrêt de lecture, c'est quand le mot après lequel on s'arrête est lié sémantiquement au mot qui le suit, lié dans l'idée, dans la signification, et ne lui est pas lié du point de vue syntaxique. C'est-à-dire qu'il y a une rupture grammaticale, une rupture syntaxique entre les deux. Les deux phrases ou deux mots. Grammaticalement, les deux phrases sont indépendantes. D'accord? Comme par exemple quand Moussa alayhi salam il dit Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'entrer dans la cité sacrée, il a dit Seigneur, je n'ai pouvoir que sur moi-même et mon frère. Donc, du point de vue syntaxique, j'ai la phrase, bon, ça va, j'ai une phrase. Mais l'idée, elle continue. Et l'idée, elle continue. Le reste, qu'est-ce qu'il dit, Moussa alayhi salam? Fafruq baynana wa bayna al-qawmi al-fasiqin. Juge entre nous et le peuple des prévaricateurs. Juge entre nous et ceux qui ont refusé d'entrer dans la cité sacrée. D'accord? Donc, il y a une liaison. Une liaison sémantique. Du point de vue d'idée, l'idée n'est pas encore complète. Moussa, il a dit, je n'ai pouvoir ni sur moi-même, ni sur mon frère. Je n'ai pouvoir que sur... Pardon, j'ai fait la négation quand même. Je n'ai pouvoir que sur moi-même et que sur mon frère. Les autres, je n'ai pas de pouvoir sur eux. Donc ça, si je m'arrête ici, l'idée n'est pas encore complète. L'idée, ça se complète quand il dit, alors juge entre nous et ce peuple-là des pervers qui ne veulent pas entrer dans cette cité. D'accord? Hein? Mais syntaxiquement, c'est bon. Quand je dis je n'ai de pouvoir ni que sur moi-même et mon frère, là, c'est bon. Syntaxiquement, c'est bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'arrêt suffisant. L'arrêt suffisant. Comme dans Sourate Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalika Al-Kitabu La Rayba Fih, Hudan Lil-Muttaqin, Alladhina Yu'minuna Bil-Ghaybi Wa Yuqimuna As-Salata Wa Mimma Razaqnahum Yunfiqun. Ceux qui, les Muttaqin, qui croient au Ghaib et qui accomplissent la prière et qui font aumône de ce que nous leur pourvoyons. Donc si on s'arrête ici, c'est bon. Grammaticalement, bon, on a terminé la phrase. Il n'y a pas de rupture syntaxique ici. D'accord? Il n'y a pas de lien syntaxique avec le reste. Le reste, la suite, c'est et ceux qui croient à ce qui a été descendu sur toi et ce qui est descendu avant toi. Donc là, c'est une autre phrase, c'est une autre phrase. Grammaticalement, c'est une autre phrase. Mais du point de vue de l'idée n'est pas encore. C'est-à-dire, la suite des idées, je ne les ai pas encore. L'idée complète, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai que lorsque je termine. Quand je dis Marzaknaumunfikun, l'il-Muttaqin, Huda l'il-Muttaqin, ce Coran est un guide pour les Muttaqin, les pieux, qui croient au jour qui croient au Raïb et qui accomplissent la prière et qui font aumône de ce que nous leur octroyons. J'ai une idée sur les Muttaqin, sur les pieux. Mais elle est incomplète. Parce que pour la compléter, il faut que je continue. Et ceux qui croient en ce qui a été descendu sur toi, ce qui a été descendu avant toi, là, je complète mon idée. Mais syntaxiquement, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle al-waqf al-kafi. Ça, c'est l'arrêt suffisant. Il est bien, mais il est moins bien que le premier. Il est moins bien que le premier. Le troisième, c'est ce qu'on appelle al-waqful hasan. C'est l'arrêt acceptable. C'est quand le mot après lequel on s'arrête est lié dans le sens, il est lié sémantiquement et grammaticalement au mot qui le suit, à la phrase qui le suit. Sauf qu'il ne dénature pas le sens. Si le récitant récite Alhamdulillah, ça a un sens. Louange à Allah, c'est bon. comme arrêt. Tu as une phrase nominale avec ses piliers, le prédicat et le khabar. Tu as le mubtada et le khabar. Tu peux t'arrêter. Mais si tu reprends la récitation, tu ne dois pas reprendre, tu dois pas commencer par Rabbil Alamin. Tu dois revenir en arrière et tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu commences par l'attribut et tu laisses le qualifier. Ça, c'est pas bon. Alhamdulillah, tu dis Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Non. Là, tu dis Seigneur de l'attribut, mais l'attribut de qui? D'Allah, il faut revenir en arrière. C'est bon? Donc, je peux réciter Alhamdulillah et je m'arrête. C'est un arrêt acceptable, mais quand je reprends, je reviens, je récite dès le début. Je dis Alhamdulillah et Rabbil Alamin. D'accord? Donc, les savants ont cependant autorisé de commencer par l'après-arrêt acceptable, quand cet arrêt se situe à la fin d'un verset. Il a dit donc, l'arrêt acceptable, c'est bien de commencer par lui, mais quand tu veux reprendre la récitation, tu dois pas commencer par la fin, juste après l'arrêt, tu dois pas commencer. L'exemple que je vous ai donné, c'est celui-là, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu as le droit de dire Alhamdulillah et t'arrêter, mais quand tu veux reprendre la lecture, tu dis pas Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, tu dois revenir en arrière. Les savants, ils ont autorisé de commencer par le mot qui vient après l'arrêt acceptable, quand cet arrêt se situe à la fin d'un verset. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون dans sourate al-Baqara لعلكم تتفكرون. C'est ainsi qu'Allah vous explicite les signes afin que vous réfléchissiez. Là se termine le verset. Et le verset juste après, il commence par quoi? Il commence par في الدنيا والآخرة, sur la vie immédiate et la vie dernière. Hein? Normalement, si je dois le lire, c'est-à-dire je dois effectuer un arrêt suffisant, un arrêt parfait, je dois dire c'est ainsi qu'Allah vous explicite les signes afin que vous réfléchissiez sur la vie immédiate et la vie dernière. C'est bien comme ça. Mais là, j'ai la fin du verset sur vous réfléchissiez, afin que vous réfléchissiez. La'allakum tatafakkarun. Et le verset suivant commence par fi dunya wal akhira. La phrase n'est pas encore finie grammaticalement et sémantiquement, mais les savants disent qu'on a le droit, dans ce cas précis, de commencer par la phrase qui suit qui suit l'arrêt acceptable, qui suit le waqf al-hasan. Et donc je peux commencer par fi dunya wal akhir. Je peux dire, dès le commencement, je dis fi dunya wal akhir, wa yas'alunaka 'anil yatama. C'est-à-dire que j'ai le droit de commencer par sur la vie immédiate et la vie dernière, et il t'interroge sur les orphelins. Mais bon, en français ça paraît impropre, mais même en arabe. Mais on le fait pourquoi? Parce qu'il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait à la fin de chaque verset et commence par le début de chaque verset. Mais il vaut mieux faire la liaison. Attention, il vaut mieux dire كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. C'est-à-dire que je fais la liaison. Passons maintenant à l'arrêt le waqf al-qabih. Le waqf al-qabih, c'est un arrêt qu'on fait entre un mot et le mot ou la phrase qui le suit. C'est-à-dire les deux mots sont liés aussi bien sémantiquement que grammaticalement. Là, c'est un point en commun avec l'arrêt acceptable, n'est-ce pas? Mais il y a autre chose, c'est ce qui fait la différence. C'est qu'en plus, il implique un sens imparfait ou un sens inacceptable, condamnable. C'est-à-dire un verbe sans sujet, tu dis Alhamd et tu t'arrêtes. Et alors, Alhamd, alors, la suite. Où est la suite? Ou tu dis, après, Lillahi Rabbi. Oui, et quoi? C'est quoi ces pauses-là? C'est du n'importe quoi. Donc ça, c'est un arrêt qui n'est pas acceptable. L'arrêt qui est mauvais est de plusieurs degrés de gravité. Il y a des arrêts qui transforment carrément les phrases en propos blasphématoires. Comme lorsque tu dis لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ça, c'est dans surat Al-Ma'ida. Certes, on mécrut ceux qui disent Allah est le fils et le Messie fils de Marie. Certes, on mécrut ceux qui disent Allah est le Messie fils de Marie. Quelqu'un, il dit Certes, on m'écrut ceux qui disent. Et il s'arrête. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا. Et il s'arrête. Il fait une pause. Puis il dit. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. Allah est le Messie fils de Marie. Ah, c'est grave. C'est comme s'il a, s'il confirme les propos de, des chrétiens qui adoptent la Trinité comme doctrine. Donc, il ne faut pas dire, il faut lier. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. Pour qu'on ait une idée claire. Certes, on m'écrut ceux qui disent Allah est le Messie fils de Marie. Il ne faut pas faire de, il faut pas faire de pause silencieuse entre les deux. D'accord ? لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. Il dit, certes, Allah a entendu les propos de ceux qui disent qu'Allah est pauvre et nous sommes riches. Quelqu'un va réciter, il dit, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا. Il s'arrête ici. Allah a certes entendu les propos de ceux qui disent et il se tait. Et il se tait. Et quelque temps après, il dit, إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. Allah est pauvre et nous sommes riches. Là, c'est une parole. Il fait la séparation, c'est pas bon. C'est un arrêt qui est mauvais, qui est qabih. Où il dit فَبُهِتَ الَّذِي dans Sourate Al-Baqarah فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Sur la rencontre qui a eu lieu entre Ibrahim alayhi salam et le roi Namrud, et quand Ibrahim l'a confondu, il lui a cloué le bec en lui ordonnant de ramener le soleil de l'Orient vers l'Occident. Il a dit le lever du soleil là où il se lève, bah change sa place, lui a dit, il l'a défié. Et là, le mécréant, enfin le roi, demeura confondu. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Et celui qui a mécru demeura confondu. Et la suite du verset, et Allah ne guide point les injustes. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un va lire, il va dire فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهِ. Et il s'arrête sur Wallah. Là, ça change carrément le texte, la phrase. C'est comme si tu disais, celui qui était mécréant demeura confondu et Allah. Ça veut dire que Allah aussi demeura confondu. Puisqu'il y a l'agent de coordination à Harf Atf entre les deux. Il dit, et Allah, il s'arrête. Et après, il dit, ne guide pas les injustes. Non, il faut dire, Wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. Allah est le sujet du verbe guider. Ne guide point les injustes. D'accord ? Où il dit inna Allah, comme dans le verset inna Allah la yastahi an yadriba, inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah n'a pas honte de te proposer comme exemple le cas d'un moustique. Inna Allah la yastahi, où il dit inna Allah la yastahi, Allah n'a pas honte, il s'arrête. Allah n'a pas honte, il s'arrête. Là c'est grave. Attribuer un tel attribut d'imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce genre de waqf, et il ne faut pas le faire, interdit de le faire. Ce genre de waqf, si vous avez remarqué avec moi, il est très lié à la syntaxe. Les savants ont dit qu'il n'est pas permis de s'arrêter au verbe avant son sujet. Il n'est pas permis de s'arrêter à la particule de subordination, là, au cas indirect, au complément. Complément prépositionnel. D'accord ? Quand il dit تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Dans Sourate Al-Furqan. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك béni soit celui qui a fait descendre le Furqan, le Coran, sur son serviteur. Lui, il arrive jusqu'à الفرقان على la préposition et il s'arrête. C'est comme si tu disais béni soit celui qui a fait descendre le Coran sur, et tu t'arrêtes. Tu ne dis pas son serviteur. Puis après, tu dis sur et tu t'arrêtes. Puis après, tu dis Abdihi li yakun al-alam. Tu poursuis son serviteur pour qu'il soit un annonciateur, d'avertisseur pour les mondes. Donc, ça c'est un arrêt qabih. C'est un arrêt qui est mauvais. Et il ne faut pas aussi s'arrêter. Faire par exemple dire Alhamdo et tu t'arrêtes, séparer entre le sujet de la phrase nominale et son prédicat ou son attribut. Donc ça c'est des exemples d'arrêt qui est mauvais. Donc le choix de l'arrêt, c'est une preuve, est une preuve de la compréhension du qari. C'est une preuve de compréhension, que ça montre que la personne, tu dois bien choisir là où tu dois t'arrêter et là où tu dois commencer. L'imam choisit bien ses arrêts. Hein, c'est très important pour le rochou aussi. Quand tu commences, tu termines par une histoire. C'est très bien ça. Où tu sépares les propos des mécréants, de la morale de l'histoire, ou des propos d'Allah, une réplique d'Allah. Ça demande un bagage, un certain bagage. Pour s'en sortir, bon, les frères qui ne nous connaissent pas, ils s'arrêtent à la fin de chaque verset, voilà, quoi, ils sont tranquilles. Mais ça montre, le wokouf, c'est très important. Attention, c'est dans les livres d'exégèse et tout, donc, par exemple le verset dans Sourate Al-Imran, « Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, nul n'en connaît l'interprétation sinon Allah », et là tu t'arrêtes, « Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina », nul ne connaît l'interprétation des versets équivoques qu'Allah, et tu t'arrêtes. Et tu dis, et ceux qui sont enracinés dans la science disent, nous croyons, tout cela vient d'Allah. Donc, ce waqf-là, ça donne un sens. Et si tu ne t'arrêtes pas, et tu dis, nul n'en connaît l'interprétation, sinon Allah, et aussi ceux qui sont enracinés dans la science, ça change carrément le sens du verset. Donc, selon cet arrêt-là, le premier arrêt, le ta'wil, les versets, l'ambigu ou l'équivoque, seul Allah le connaît, ça veut dire cette interprétation qu'Allah seul connaît, ça a un sens. Ça veut dire qu'Allah seul connaît l'enfer, le paradis, la réalité externe. Les gens enracinés dans la science, ils ne le connaissent pas. L'interprétation, le sens, les gens enracinés de la science connaissent l'interprétation des textes ambigus, des textes, les textes, chacun selon son savoir. J'ai parlé de ce sujet-là quand j'ai fait les Osol, des audios, enfin des doros sur Osol Fiqh et sur le Taqlid. C'est très important le waqf. Donc, Maimoun ibn Mahran, un grand tabi'i, il a dit, je frissonne de dégoût vis-à-vis de la récitation de certains. Il s'impose le fait de réciter, de ne pas réciter moins de 10 versets. C'est une loi pour lui. Il dit, or les Qurra, les récitants, ils récitaient l'histoire entière, qu'elle soit longue ou courte. C'est pas une question de 10. Il se fixe, j'ai 11 versets, 12 versets, ça y est, je ne fais pas moins. Ou je ne fais pas plus. C'est-à-dire, il se fixe un nombre. Il a dit, je frissonne de dégoût pour ces imams-là. Il a dit, ces imams récitent, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Et lorsqu'on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils répondent, au contraire, nous sommes des réformateurs. Il dit, il récite jusqu'ici, par exemple, le début de la surat al-Baqarah jusqu'à ce verset-là, 10 ou 11 versets. Il dit, il s'arrête ici. Ils répondent, c'est-à-dire les mécréants, ils répondent, au contraire, nous ne faisons que le bien. Innama nahnu muslihun, et il fait le roku'. Et quand il se relève du roku', après la deuxième raka'a, il dit, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Or, ceux-là sont les vrais corrupteurs, mais ils n'en ont pas conscience. Non, il faut continuer. Quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur terre, ils répondent, au contraire, nous sommes des réformateurs. Innama nahnu muslihun. Continue, ça se donne un goût à la qira'a, au khushu'. Continue pour citer la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Or, ceux-là sont les corrupteurs, mais ils n'en ont pas conscience. Ça, c'est un exemple. Abu Amr Dani l'a dit, cela prouve que les compagnons évitaient de couper l'enchaînement des phrases qui sont liées entre elles. Ça c'est du fiqh, le fiqh des savants, des compagnons radiallahu anhum. Bon, il nous reste l'arrêt khtibari. Le waqf khtibari, c'est quoi? C'est l'arrêt demandé au cheikh à son disciple. C'est ce qu'on appelle en arabe le waqf khtibari. Il le teste. Le cheikh teste l'élève sur les terminaisons de certains mots. Le cheikh lui dit, arrête-toi sur tel mot. Par exemple, « Ahum yaqosimuna rahmata rabbik » dans surat Zukhruf, surat 43. serait-ce à eux de distribuer la miséricorde de ton Seigneur? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Si l'élève arrive à rahma, le cheikh lui dit arrête, arrête. Et là, si l'élève dit rahman, si l'élève dit rahma, il termine la lecture par aloha, ça veut dire qu'il s'est trompé. Parce que rahma, dans le Coran, dans ce verset-là, il se termine par le ta mabsota. Ce n'est pas la boucle. La boucle qui, quand on s'arrête sur le ha. Là, il faut qu'il s'arrête sur le ta. Il dit ahum yaqsimuna rahmat. Pour montrer que dans le, qu'il est écrit de cette manière-là. Ils n'ont pas rahma. Bien sûr, je parle là selon qira'at Hafs et qira'at Nafi. Rahmat rabbik rahmat. Il dit c'est un ta qui est le ta clair, c'est pas le ta bouclé. D'accord ? Pour le tester. Bien sûr, on n'a pas le droit de dire oh merci mon rahmat quand on prie dans la salat. Non, il faut qu'il termine. Mais pour tester, oui, on a le droit. وفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا dans sourate An-Nisa. Il lui dit arrête sur juste après fama. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Si l'élève dit fama, il s'arrête sur le lam et dit هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Ça veut dire qu'il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que le lam, ce lam là qui est une préposition, il est séparé de ha'oula. Il n'est pas lié. Dans le Coran, elle est écrite, Mus'haf al-Uthmani est écrite de cette manière. Et dans le Coran que vous lisez, elle est séparée du ha'oula. Donc le cheikh, il le teste. Est-ce qu'il va la lier ou il ne va pas la lier? Donc s'il dit, arrête après Fama, il dit Fama, ça veut dire qu'il sépare entre le lam et le la. S'il fait une séparation, s'il fait cette pause silencieuse, ça prouve qu'il a compris. Il a compris quoi? Il a compris que la préposition est séparée de la. Voilà, alhamdoulilah. Nous avons terminé le waqf al-ibtida. Il est très intéressant, c'est pourquoi je lui ai consacré un dars spécial. Ça fait partie du usul qira'at. Bon, inshallah. Faut que nous terminions le tartil, le chapitre sur le tartil et entrer directement dans le chapitre sur la compilation. Il nous reste quelque chose sur les mérites du Coran, mais je vais en parler, c'est-à-dire brièvement après inchallah, pour traiter directement le thème de la compilation du Coran, le nombre des versets, etc. Et après le ta'wil. الإعجاز إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.